Je voudrais présenter nos excuses pour le retard de ce matin. C'est moi qui ai dit à Jean-Philippe, on est bon au niveau timing, j'avais calculé 30 minutes de Saint-Brest jusqu'à Béziers, et en fait, non, c'est une heure. Donc on est juste désolé du retard, mais surtout un peu déçu de ne pas avoir vécu ce temps de café avec vous, parce que je trouve que c'est des moments délicieux. Nous le vivons aussi à l'église à Béthanie, et c'est des moments tellement importants parce que ça crée du lien. Et puis ensuite, il y a des mamies ici, à part moi. je veux souhaiter une bonne fête aux mamies. Aujourd'hui, c'est la fête des mamies. Et les mamies, ce n'est pas juste celles avec les cheveux blancs. Elles peuvent être brunes aussi, des fois. C'est une sacrée saison d'être mamie, parce que c'est un rôle différent où on n'a pas à éduquer les enfants. Ce sont les enfants de nos enfants. Mais c'est des petits êtres qu'on voit, et quand on les voit, on dit c'est notre descendance, c'est notre héritage. Et la part qui est la nôtre, qui est juste extraordinaire, c'est de prier pour nos petits-enfants et de voir le miracle intervenir dans la vie de nos petits-enfants juste parce que Dieu entend la prière des grands-mères. Moi, j'aime cette pensée-là. J'ai beaucoup appris de la grand-mère de Jean-Philippe qui avait... On essayait de compter, là, on s'est un petit peu perdu. 22, peut-être un peu plus, de petits-enfants. Cette dame-là, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus, enfin qu'elle soit mise dans le coma, elle priait tous les jours pour ses petits-enfants, mais pas en disant « Seigneur, tu bénis mes petits-enfants ». Ma belle-mère me disait, elle citait le prénom de tous ses petits-enfants. Moi déjà, je rajoute le prénom de mes chats quand j'appelle mes enfants, c'est un peu la misère. Elle citait devant Dieu le prénom de tous ses petits-enfants. Eh bien moi j'ai dit « Bravo mamie ». Parce que ça a du fruit, ça a eu du fruit dans la vie de certains de ses petits-enfants, et ça va en avoir dans... Parce que la prière ne revient pas sans avoir fait son effet. Et c'est une parole que j'ai envie de donner aux mamies. Aujourd'hui, dans ce jour de fête, vous faites un travail extraordinaire. Lorsque vous pliez le genou devant Dieu, sachez que vos prières ne reviennent pas à Dieu. Vos prières, tout ce que vous prononcez, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Lorsque vous réclamez la bénédiction sur vos petits-enfants, lorsque vous réclamez à ce qu'ils rencontrent le Père, lorsque vous appelez le salut dans leur vie, ça ne va pas arriver jusqu'aux oreilles de Dieu sans avoir fait son effet. Ça a une action. Donc, à l'année prochaine, pour la nouvelle fête des grands-mères, et fort de témoignages. Donc Jean-Philippe nous a un peu présenté, on est pasteur dans une église de maison à côté de Montpellier. On est surtout parents de trois enfants et grands-parents d'un petit garçon, Isaiah, qui marche. Et on est entrepreneur, on a une entreprise depuis 8 ans et on travaille tous les deux dans un... Enfin, depuis 3 ans, on travaille tous les deux dans une société qui est en croissance. On construit des piscines, donc ici, ça a tout son intérêt. Et on est juste bénis par la grâce de Dieu, par sa présence, comme le disait Nicolas. Il est vraiment présent dans le quotidien et c'est juste extraordinaire de marcher dans tous ces niveaux dans lesquels le Seigneur nous conduit avec sa présence. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ce matin, je voudrais vous conduire dans une réflexion qui fait partie de notre actualité, tant nous au niveau de notre vie personnelle qu'au niveau de l'église, Béthanie. C'est un sujet que nous travaillons depuis 15 jours et le Seigneur est venu nous remuer. Et puis c'est aussi un sujet qui est là, fortement présent dans notre société. C'est Ecclésiaste 7, verset 8, qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et j'aimerais qu'on garde en ligne de mire cette première partie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est un verset qui est juste extra. Mais on va y réfléchir ensemble. En fait, là, l'Ecclésiaste... dit, la fin est plus importante que le commencement. Enfin, déjà, quand on commence quelque chose, on est super content. Lorsqu'on a réussi le commencement, on est super, super content. Mais pourtant, la parole nous dit, mieux vaut la fin que son commencement. Est-ce qu'on peut juste mettre la slide suivante? En fait, je voudrais que nous considérions que nous sommes dans une course. Ou que notre vie va être une multitude de courses. Paul, dans Philippiens 3, 14, il dit « je cours ». Il n'a pas dit « j'ai couru », il n'a pas dit « je vais courir », il a dit « je cours ». Paul se considérait dans une course. Et je crois qu'il faut nous considérer dans une course. Et bien souvent, c'est une course d'endurance et pas un sprint. Et je voudrais nous inviter à faire un peu moins de sprint et un peu plus d'endurance. Et c'est ça toute la différence. L'endurance, ça dure longtemps. L'endurance nous mène loin. Le sprint, c'est court, c'est rapide, et puis hop, on passe à autre chose. Mais nous sommes dans une course. Est-ce qu'on peut juste l'intégrer ? On n'est pas juste assis à notre place, on n'est pas juste dans un coin de notre vie, mais nous sommes dans une course. Si même on court lentement, si même d'autres courent plus vite, nous sommes tous dans une course. Et hier, je regardais des vidéos, je me suis marrée comme une baleine, de ces sportifs, vous savez, qui crient victoire avant d'avoir passé la ligne d'arrivée. Et faites-le sur YouTube, coureur qui fête sa victoire trop tôt. Et on en voit, et on en voit certains, ils sont là, il reste quelques mètres et... Et puis là, il y a quelqu'un qui passe devant. Et il y en a plein comme ça. Et je trouvais que ça donnait du sens à la fin vaut mieux que son commencement. Pourquoi ? Parce que seule la fin révèle les choses. Il n'y a que quand tu as franchi la ligne d'arrivée que tu sais que tu es victorieux. Tant que tu ne l'as pas franchi, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et deuxièmement, parce que chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. La fin vaut mieux que son commencement. 1 Corinthiens 4, verset 5 nous dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Dans ce verset, Paul ne nous empêche pas de nous projeter, mais en fait ce qu'il dit, il dit ne jugez de rien. Ne jugez de rien. Parce que c'est à la fin que les choses seront mises en lumière et que ce qui est caché dans les ténèbres sera manifesté. C'est même le dessein des cœurs, c'est quand même fort ce verset. Même le dessein des cœurs sera manifesté. Waouh ! Dieu va tout mettre en lumière, hein. Ça va être sympa. La fin vaut mieux que son commencement. Parce que seule la fin révèle les choses. Finalement, un bon début ne garantit pas une bonne fin. Mais à la fois, un mauvais début ne garantit pas une mauvaise fin. C'est juste la fin qui va révéler les choses. Et on a deux exemples comme ça dans la parole. Je vais vous faire un petit peu réfléchir. À qui vous pensez ? Joseph, absolument. Samson. Samson. Oh, et la fin ? Oui, elle est mitigée, on va dire. Daniel. Et Daniel, il a marché droit tout du long. David, oui. Moïse, Paul, ah ouais, Paul, il a mal démarré, il persécute les chrétiens, et à la fin, Jonas, qui s'enfuit, oui, Jésus, oui, oui, oui. Moi, je vous parlerai de Salomon. Ah, Salomon, il a écrit le livre, enfin, les Proverbes. Salomon était connu pour sa sagesse. On venait à lui parce que c'était un homme sage. Il a construit le temple. Je ne sais pas si vous êtes allé en Israël. Quand on voit les bouts du temple, bon, même là, ce qu'il y a, on peut juste dire waouh. Et ce n'était pas avec les archis de nos jours, ce n'était pas avec tous les engins qu'on a aujourd'hui. C'est un bâtiment, un centre exceptionnel, ce temple. Un économe hors pair, parce qu'il a géré la construction de façon extraordinaire. Il a quand même rendu l'or aussi courant que les cailloux. Les gens se déplaçaient de loin pour voir sa richesse. C'était quelqu'un, Salomon. Et pourtant, quand on lit dans 1 Roi 11, verset 4, on voit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Un début extraordinaire. Moi, quand je lis les proverbes de Salomon, je me dis, j'aimerais cette sagesse. Et pourtant, une fin pas très glorieuse. Son cœur n'a pas été tout entier avec l'Éternel. Il s'est tourné vers d'autres dieux. On a Job aussi. Job. Il perd tout. Il perd sa famille, il perd son entreprise, il perd sa santé. Il y a un moment quand même, quand on lit l'histoire, on se dit, bah, tu sais quoi, vaut mieux que ça s'arrête pour toi, mon ami, ça va être moins douloureux. Et pourtant, si on lit Job 42, verset 10, 42 quoi. Je ne sais pas si vous réalisez les chiffres. Des fois, faisons attention. 42 chapitres de galère. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Au début, on pense que c'est terminé, et au final, Dieu le rétablit et il multiplie. Un bon début ne garantit pas une bonne fin. Un mauvais début ne garantit pas une mauvaise fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, comment s'assurer une bonne fin? Je suis désolée, en fait, j'ai tout pour moi ce matin. J'ai mis mes mauvaises lunettes. Et je fais un choix. Soit je vois mal mon papier, soit je ne vous vois plus. Donc je vois mal mon papier. Comment s'assurer une bonne fin? Est-ce que vous connaissez le dernier verset? Je ne demande pas chapitre. Le dernier verset de la parole de Dieu. Oui, l'Apocalypse. Non. C'est une très bonne fin qu'il faut connaître. Ça ne vous dit rien? Comment? Non. Ah, j'ai dit que j'allais vous mettre au travail un peu ce matin. Non plus. Ça, c'est un peu avant. Mais il y a quelque chose de plus fort. Ok. Après, vas-y. Apocalypse 22, verset 21. Dieu accorde sa grâce à tous. Il y a d'autres versions qui disent Dieu accorde sa faveur à tous. C'est une bonne fin? Ah ouais. On a tous envie. Hein. Est-ce que vous connaissez le premier verset de la Bible? Vous avez lu le titre sur Internet? Au commencement, Dieu. Qu'est-ce qui nous accorde une bonne fin? Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu. Au commencement de ma vie, Dieu. Au commencement de mon couple, Dieu. Au commencement de ma famille, Dieu. Au commencement de mes projets, Dieu. Au commencement de mon entreprise, Dieu. Au commencement de ma journée, de ma semaine, Dieu. Au commencement de mes décisions, Dieu. C'est ainsi que nous allons avoir une bonne fin, en plaçant Dieu au commencement de tout. Et là, je vais vous poser une question, je ne vous demande pas d'y répondre. Mais vous pouvez peut-être le noter sur un bout de papier, sur votre smartphone. Et c'est des questions devant lesquelles on pourra revenir à la fin pendant le temps de Sainte-Seine. Est-ce que chaque jour, je mets Dieu au commencement? Et quand je dis de mettre Dieu au commencement chaque jour, je ne parle pas, vous savez, de juste la prière entre la douche, les toilettes et le petit déjeuner où on dit « Merci Seigneur pour la journée, ça va être super. Amen !» Je parle d'un temps où je suis avec Dieu et que je le place au commencement de ma journée. Où je l'écoute, où je l'entends. Quel domaine est-ce que je garde pour moi où finalement je mets Dieu après avoir lancé le projet, l'idée, l'entreprise, etc., etc. Il y a tellement de choses qu'on fait en 24 heures. Combien de choix je fais seul. La fin d'une chose vaut mieux son commencement. Et pour s'assurer une bonne fin, au commencement, Dieu. Colossiens 1, verset 16 à 17 nous dit « Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Waouh. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Combien de décisions je prends seule alors que lui est avant toute chose et que toute chose subsiste en lui pour lui. Combien de défis où finalement on se dépatouille tout seul alors qu'il est avant toute chose. Comment s'assurer une bonne fin? Avec un esprit de repentance. Seule la repentance peut corriger toute trajectoire. Il n'y a pas d'autre moyen. Pas les œuvres, pas les bonnes actions, pas les bonnes intentions. La repentance. C'est quoi la repentance? Oui. Et changer de direction, oui. Oui. Oui. Faire soi-même. Ça, c'est, oui, c'est se repentir de ça, en fait, oui. Oui. Mettre sa foi en action, oui. Ça veut dire qu'on va lui faire confiance pour la direction nouvelle qu'on prend, absolument. Pour ceux qui font Starter, j'ai vu que vous avez démarré Starter, c'est très facile à retenir la repentance. J'ai tort, Dieu a raison, je change de direction. Ce n'est pas juste le fait de reconnaître qu'on a tort et que ça ne va pas du tout ce qu'on fait. Il y a vraiment reconnaître que Dieu a raison et on change de direction. Ce n'est pas juste reconnaître. Puis vous savez, moi j'aurais eu tendance à être comme ça et le Seigneur m'a véritablement corrigée. Vous savez, le Seigneur pointe quelque chose du doigt et là on trouve toutes les excuses. Ah, mais tu comprends Seigneur, ce n'est pas de ma faute. Ça vient de mes parents, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas de ma faute. C'est mon patron, il m'a poussé à réagir comme ça. Parce que de moi-même, jamais j'aurais fait ça. Vous savez, partir dans des discussions où on se trouve des excuses et on perd du temps. On perd du temps. Et vous savez, tout ce qui est obéissance retardée, c'est de la désobéissance. J'ai tort. Dieu a raison, je ne me cherche pas des excuses et je change de direction. C'est quelque chose de super important. On a utilisé le mot « s'humilier » et je ne veux juste pas qu'on perde de vue que dans la repentance, Dieu n'est pas dans l'humiliation. Notre attitude de cœur doit être de nous humilier devant Dieu, mais Dieu n'est pas dans l'humiliation. Jamais. La repentance est une porte d'amour extraordinaire où le Seigneur nous donne l'occasion de changer la trajectoire, de changer le chemin que nous avons pris. En grec, ça signifie changer sa façon de penser, changer sa mentalité et changer sa vision. En hébreu, c'est faire demi-tour. Quand je me repens, je fais demi-tour. Je change ma trajectoire. Je vous rappelle, notre but, c'est s'assurer une bonne fin. Vous savez que le mot repentance se trouve plus de 1000 fois dans la parole de Dieu. Et c'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent, finalement. Pourtant, il est plus de 1000 fois. Aimer, je crois que c'est entre 350 et 500 fois. Qu'est-ce qu'on l'utilise, aimer? La repentance doit devenir un style de vie. Si on saisit que c'est une porte d'amour pour nous, si on saisit que tout l'amour de Dieu se manifeste dans la repentance. C'est le moment où vous savez quoi, vous êtes à genoux, vous reconnaissez que Dieu a raison, vous décidez de changer, c'est le moment où vous savez quoi, Dieu tend la main, il dit viens, tu sais quoi, je te relève. C'est une porte d'amour pour notre vie. La repentance doit devenir notre style de vie. On a deux cas à nouveau dans la parole de Dieu. David et Saul. Saül, il a été choisi par Dieu. Il a été choisi pour sa taille, il était beau, etc. Et Dieu l'a oint pour devenir roi. La différence, c'est que Saül a eu le cœur dur. Et les moments où il aurait dû plier le genou devant Dieu et se repentir, il ne l'a pas fait. David. Acte 13 nous en parle comme un homme selon le cœur de Dieu. Vous avez regardé les détails de son règne ? Ce n'est pas glorieux. Hein. Vous savez juste où était la différence ? La repentance. Véritablement, cet homme vivait, avait les clés de la repentance. Et parce qu'il vivait la repentance, parce que ça faisait partie de son style de vie, c'était un homme selon le cœur de Dieu. On n'a pas envie d'être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu ? Ouais. Moi, j'ai envie. J'ai envie que la repentance soit un style de vie. Psaume 34, verset 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Chaque fois que notre cœur est dans l'abattement et que nous sommes brisés devant Dieu, regardez sa promesse. L'Éternel est près de nous et à chaque fois il nous sauve. Ça vaut le coup la repentance. Troisième point, comment s'assurer une bonne fin ? En acceptant la croix avant la couronne. Quelle est la finalité de Christ ? Où est Christ aujourd'hui ? Et il fait quoi, assis à la droite de Dieu ? Il intercède, il règne, absolument. Avant d'être assis à la droite de Dieu, avant de régner, avant la couronne, il y a eu... Ésaïe 53, vous connaissez ? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été humilié, on lui a craché dessus, on a voulu le faire mourir, etc. Et puis, il y a eu la croix. Il n'y a pas plus terrible sur cette terre que cette souffrance de la croix. On a eu l'occasion d'aller en Israël et de voir à l'époque comment était la croix. On est loin des belles images qu'on fait dans les livres pour les enfants ou les films où la croix, elle est nickel. Vous savez, sans écharde, passer chez le menuisier avec des clous qui viennent de le roi Merlin, parouillés. Non, on est loin de tout ce cliché-là. La croix, c'était quelque chose de terriblement affreux, de terriblement humiliant. Et quand on dit qu'on lui a craché au visage, on a toujours cette image de Christ très loin, très haut, où on essaye de lui cracher au visage, mais les arbres de l'époque étaient bas. Et quand on crachait au visage de ceux qui étaient sur la croix, c'était en le regardant droit dans les yeux. La douleur, l'étouffement, le choix entre s'appuyer sur les pieds ou respirer... Tellement de choix pour mourir avec un minimum de souffrance, il n'y avait pas plus terrible. Dans notre société, on veut tout maintenant, facilement, sans souffrance. Je ne suis pas en train de promouvoir la souffrance. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de gloire à souffrir. On voit même que Jésus, dans son parcours, à un moment, on cherchait à le faire mourir, il s'est caché. Mais il y a eu un chemin qu'il a dû prendre. Philippiens 2, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, la deuxième slide. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y a des versets douloureux avant qu'il soit glorifié. Aujourd'hui, dans notre société, on veut maigrir en une semaine sans se priver, on veut être musclé sans faire de sport, on veut gagner beaucoup d'argent sans travailler, on veut des postes à responsabilité sans faire d'études, des responsabilités sans que ça prenne trop de temps, avoir des enfants sans que ça nous coûte et que ce soit compliqué, on veut manger McDo et être en pleine santé, on veut la maison de nos rêves sans épargner et faire des sacrifices, on veut tout. Maintenant, sans que ça fasse mal, sans que ce soit difficile, c'est impossible. Pour s'assurer une bonne fin, on est obligé de passer par des chemins douloureux. Et le Seigneur ne nous a pas promis une vie sans souffrance, parce qu'on est dans ce monde, avec tous les aléas de ce monde, avec toutes les limites. Par contre, il nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Il nous a promis qu'il serait notre soutien, il nous a promis qu'il serait une forteresse, un rocher. Il nous a promis qu'il tendrait la main. Il nous a promis qu'on pourrait venir se cacher à l'ombre de ses ailes et qu'on serait en sécurité. Néanmoins, il ne nous a pas dit « Sois mon enfant, engage-toi avec moi et tu verras. Easy. Tout va devenir facile. » Non. Comment s'assurer une bonne fin ? Ben, il n'y a pas de fin heureuse sans souffrance. Il n'y a pas de couronne sans souffrance. Il n'y a pas de couronne sans croix. Et il va y avoir des moments difficiles, mais Dieu sera toujours là. Parce que c'est sa promesse. Psaume 126, verset 6 nous dit « Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Des fois, il y a des semences qu'on va porter avec des larmes. Il y a des fois, quand on va aller au champ, on va y aller avec des larmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand on revient avec les gerbes, on est dans l'allégresse. C'est beau comme promesse. Mais c'est un chemin qu'on ne peut pas éviter. Et c'est un chemin qu'il faut accepter. C'est des chemins qu'ont accepté les hommes de Dieu. Reprenez les histoires. Moïse, David, tous ces héros de la foi. Jonas, pourquoi il a fui ? Jonas a fui parce que c'était trop difficile. Pourquoi la fin vaut mieux que le commencement ? Bah, tout d'abord parce que seule la fin révèle les choses. Et ensuite, parce que chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. La vie est faite d'une succession de saisons. Ça se passe dans les choses naturelles, mais ça se passe aussi pour nos vies. Quand on arrive au bout d'une saison, ce n'est pas la fin en soi. Mais on a besoin d'arriver au bout d'une saison pour pouvoir en démarrer une autre. Ça n'existe pas, la superposition de saisons. C'est juste pas possible de vivre l'hiver et l'été. Ça ne se fait pas. Moïse a eu trois saisons de 40 ans. Reprenez l'histoire de Moïse. 40 ans au palais. Moi, c'est la saison que j'aurais préférée. Seigneur, on fait des prolongations. 40 ans au palais, c'est là où il apprend la royauté. Franchement, il n'y avait pas de meilleur endroit, il n'y avait pas de meilleure école pour apprendre ce que c'était la royauté. Quand il finit ses 40 ans au palais, ça finit quand même un petit peu violemment. Il passe par 40 ans dans le désert. Vous croyez que ça a été facile, cette fin de saison, pour passer dans la nouvelle saison ? Non. Et dans ces 40 ans au désert, qui sont indispensables à sa vie, il apprend à écouter la voix de Dieu. Il apprend à connaître, reconnaître la voix de Dieu. C'est une saison indispensable pour ce qu'il attendait après. Il finit cette saison-là pendant 40 ans. Il devient le leader le plus incroyable d'un petit peuple de je ne sais pas combien de milliers de personnes. Avec tout ce qui va avec. Les râleurs, les chefs qui veulent devenir chef à la place du chef, les jaloux, ceux qui remettent en question une chose et une autre. Heureusement qu'il avait fait l'école de la royauté. Heureusement qu'il avait fait l'école du désert pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas une nouvelle saison qui peut s'ouvrir devant toi si tu n'acceptes pas qu'une saison est en train de se terminer. Il n'y a pas de passage obligatoire. Mais ça fait peur. Ça fait terriblement peur. Vous savez, quand une saison se termine et qu'une autre doit arriver, et qu'on ne sait pas forcément quelle est cette nouvelle saison, ça fait peur. Vous savez d'où ça vient ? Ouais. Cette peur-là, elle est dans nos origines. Au commencement, il y avait quoi ? Le chaos, le néant, il n'y avait rien. Et qu'est-ce qui se passe ? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. Cette peur, elle est là depuis l'origine au fond de nous. Quand une saison se termine, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir, on a peur du néant, on a peur du chaos, on a peur de ce rien. Mais si nous revenons au commencement, Dieu. On y revient tout le temps. Hein. Au commencement, Dieu. Ta saison se termine, tu ne sais pas où tu vas dans la prochaine. C'est pas grave, n'aie pas peur, parce que en Dieu, il y a une puissance créatrice extraordinaire. En Dieu, il y a cette capacité de voir dans le néant, dans le chaos, alors qu'il n'y a rien, une terre, un jardin, la mer, le ciel, les étoiles, alors que nous, avec notre regard juste là, et parfois beaucoup plus bas, on ne voit rien, si ce n'est du néant et du chaos. Mais Dieu voit. Et si dès le commencement, tu places Dieu, tu passes confortablement dans cette nouvelle saison. Oui, ça va être difficile. Oui, ça ne va pas être forcément confortable. Mais si au commencement, tu mets Dieu, si au commencement, tu apprends à appeler cette puissance créatrice de Dieu, ça va être extraordinaire. J'ai été pasteur à temps plein dans les églises. De l'âge de 19 ans jusqu'à mes 42 ans. Le seul milieu que je connaissais, c'était le milieu de l'église. J'ai été formée, j'ai fait toutes mes études de théologie, on m'a appris à faire la louange, on m'a appris à faire les enfants, on m'a appris à faire les groupes de maison. Il fallait tout faire. Puis le Seigneur me dit, je te place dans l'entreprise. À la vente. À la vente de chimie, de produits pour la piscine, vous savez, le chlore, le machin. Moi, il faut savoir qu'en chimie, j'étais carrément nulle, que je rendais feuilles blanches, et que quand mon prof me rendait mes feuilles, il disait, oui, toujours pareil. Oui. Et que j'assistais à 2 heures de cours de physique en me disant, qu'est-ce que je fais là ? Il raconte quoi ? Et quelques décennies après, le Seigneur me donne de travailler dans une entreprise avec mon mari où il faut que je gère des produits chimiques et que j'explique aux gens la chimie de l'eau. C'était un sacré défi. Néanmoins, j'ai accepté ce que le Seigneur me demandait parce que le Seigneur a véritablement parlé en me disant « Je te place dans l'entreprise ». Je lui disais « Seigneur, moi je sais faire tout ce que tu veux dans l'église, mais là je ne pourrais rien faire. Et je peux vous assurer qu'à chaque client qui passait la porte, il y avait une espèce d'angoisse qui montait en moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Et je ne vous dis pas le nombre de fois où la porte s'ouvre dans la journée en plein été. J'ai dû faire appel à Dieu. Je lui disais, Seigneur, donne du sens. Je ne comprends pas pourquoi tu me mets là. Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans une société alors que ce que je faisais, bah, ça marchait bien, j'étais appréciée et j'avais une place bien. Et j'ai appelé le Seigneur, j'ai fait appel à sa vision et plus à ma vision. Et le Seigneur a commencé à donner du sens dans ce que je faisais. Finalement, je me retrouvais à vendre du chlore à un client et avoir un partage cœur à cœur. Et dans ce partage de cœur à cœur, il se passait un moment où juste je donnais une parole de la part du Seigneur pour ces gens-là. Et il se passait des miracles dans la vie des gens. Il se passait des choses extraordinaires qui avaient des répercussions sur leur couple, sur leur famille, etc. Et le Seigneur donnait du sens à ce que je faisais. Mais dans ces moments où il y a eu ce basculement et ce changement de saison pour moi, il a fallu que je fasse appel à Dieu. Il fallait que je demande à Dieu de donner du sens. Mais vous savez, quand vous l'invoquez, il répond. Quand vous lui demandez, il ne reste pas dans le silence. Si tu finis une saison dans ta vie, si c'est inconfortable et si ça te fait peur, au commencement, Dieu, fais appel à sa vision. Fais appel à ce qu'il est capable de voir dans le néant et dans le chaos que toi, tu es incapable de voir. Et ça, ça va te donner de marcher dans la foi. Ça, ça va te donner de te positionner. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça commence à prendre du sens. Parce que seule la fin révèle les choses. Et parce que la fin d'une saison permet l'entrée dans une nouvelle saison. Et pour nous assurer une bonne fin, c'est pas compliqué. Au commencement, Dieu, une vie de repentance. Et accepter qu'il va y avoir de la souffrance. Mais que Dieu a promis d'être avec nous chaque jour. Et qui va être cette forteresse, ce rocher qui va nous accompagner. Et ça permettra peut-être aussi de ne pas crier victoire alors qu'on n'en est qu'au début de la course et de voir les autres passer devant. Je ne suis pas contre le fait de célébrer les beaux commencements, il faut les célébrer. Mais je crois dans cette marche avec l'humilité de toujours revenir à Dieu. De toujours le placer au commencement, d'être dans cette attention. Seigneur, sonde-moi. Est-ce que je suis sur la bonne voie pour pouvoir corriger la trajectoire? Parce que la fin, quand les choses vont être révélées, Dieu a juste envie d'accorder sa faveur à tous. Il veut juste accorder sa grâce à tous. Amen. On va se placer devant Dieu pour prendre la Sainte Cène et je vais vous inviter à reprendre les questions que je vous ai lancées tout à l'heure. Et l'objectif, c'est de pouvoir juste y répondre devant Dieu. Vous pouvez le faire avec votre voisin, votre voisine si vous avez envie, ou seul devant Dieu, mais c'est un temps où on est honnête devant lui. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions avancer tous vers une fin heureuse. Je vais laisser Jean-Philippe faire la Sainte-Cène, présenter. Vous pouvez commencer à distribuer si vous voulez. Je ne vais pas vous lire le passage de 1 Corinthiens, parce que on le connaît tous, et je vais vous en faire un résumé. C'est en fait, Jésus sait que son heure est venue. Donc il a conscience qu'il va mourir. C'est donc quelque chose d'assez fort humainement parlant. Donc on peut s'imaginer ce qu'il vivait à ce moment-là. Mais il décide quand même de faire quelque chose en souvenir. Et là, ce qu'on va faire ce matin, c'est juste pour ne jamais oublier pourquoi on a été sauvés et à quel prix nous avons été sauvés. Et il a dû achever sa vie pour que nous puissions commencer à vivre. Donc en fait, il a pris du pain, il a rompu, et le symbole, c'est son corps. Donc le pain, quand vous le prenez, juste qu'on prenne conscience que c'est le corps de notre Seigneur qui a été brisé, qui a été meurtri. Et après, il prit la coupe, il rend grâce, et il dit, buvez cette coupe en mémoire de moi, ceci est mon sang. C'est son sang qui a coulé parce que il a perdu beaucoup de sang. Et par rapport au message de Sandrine, je voulais vous laisser sur un verset dans Matthieu 6. Alors, pour moi, Matthieu 6, c'est mon credo. C'est en fait, si vous prenez tout Matthieu 6, c'est ce qu'on doit vivre, comment on doit vivre, ce qu'on doit être, comment on doit se comporter. C'est, pour moi, c'est le passage, le parfait résumé de ce que Dieu nous demande, en fait. Et pour le coup, si on va à la fin, l'avant-dernier, pour le coup, verset 33, il est dit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses, ben vous pouvez mettre ce que vous voulez. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Et je voulais mettre l'accent sur... on oublie souvent qu'on combat. La Bible nous dit souvent, si vous lisez l'Ancien Testament, hein, ça bastonnait sévère. Hein, mais nous sommes des guerriers et des guerrières. C'est une réalité. C'est comme ça qu'on a été créés. Et le monde actuel nous a un peu, entre guillemets, obligés à un peu nous taire, à un peu nous asseoir, un peu à nous soumettre à l'esprit de ce monde. Mais mes amis, non. Soumettons-nous à l'Esprit de Dieu ce matin. Et il faut mourir à beaucoup de choses, mais pour pouvoir vivre de nouvelles choses, comme disait Sandrine. Et je vais vous laisser sur une petite histoire que j'ai entendue il y a quelques temps. Et en fait, c'est deux enfants qui sont dans le sein de leur mère, et ils discutent entre eux. Et il y en a un des deux qui dit « Mais tu crois, toi, à la vie après la naissance ?» Et l'autre, il dit « Non. » C'est une fois qu'on sort du ventre de notre mère, on est mort, c'est fini, et il n'y a plus rien. Et l'autre, il dit, mais non, c'est pas possible, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Puis tu entends notre mère, elle nous parle, on entend sa voix. Et en fait, c'est ça. C'est moi, quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a comme ouvert les yeux, parce que quand un enfant naît, on coupe le cordon, et il y a une sorte de mort, en fait, hein, parce qu'on le coupe de tout ce que sa mère lui donne, mais... Il respire par lui-même. Et le premier souffle, c'est Dieu qui le donne. Amen. Soyez tous bénis.